poussière tombe, tu prends pas de renfort, seulement. Chaque pixel peut être un tir. On est acculé, mais pas pris. C'est ici qu'on les intègre. Position verrouillée, respiration bloquée. Ils approchent. Tenue.